Ça, c'est une autre incohérence. Le cours d'éthique et culture religieuse. D'un côté, le gouvernement va dire à un juif qui est ici depuis 250 ans, mais pas Takipa, par exemple. Mais on va enseigner, aujourd'hui, on va parler de Raël. Puis pendant toute la semaine, ça va être la semaine de Raël dans la culture religieuse. Il y a une maudite incohérence de la part du gouvernement, par exemple, incohérence là-dedans. Incohérence parce que c'est pas vrai ce qu'il dit, M. Drainville. On a évacué, par exemple, la religion catholique des écoles, mais on l'a remplacée. Par une Macédoine. Oui, par une Macédoine. Et exact. Où domine très clairement, moi, ce que j'appelle cette nouvelle religion, j'appelle ça l'écolo-chamanisme. C'est un mélange d'écologisme radical avec la spiritualité autochtone. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la culture. Donc, des odes à la nature, puis de... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le relativisme à tout craint. Avez-vous des enfants, M. Morin? Pardon? Avez-vous des enfants? Moi, j'en ai deux. Moi j'ai des petits-enfants. Mes enfants sont plus à l'école primaire. J'ai des petits-enfants. C'est effarant comment ce cours-là est enseigné. Ah, ben ça commence cette année dans mon cas pour le plus vieux. Là, on a eu une réunion de parents hier. J'ai peur de ça. Suivez de près, puis regardez les manuels, les directives sur ce cours-là. Vous allez à la fois vous révolter puis vous donner. Mais on n'est pas cohérent. D'un côté, le gouvernement va forcer, va même, peut-être à la limite, ordonner le congédiement d'une chrétienne qui a une croix ou d'un juif qui a une kippa, mais de l'autre côté, dans le curriculum, il y a un lavage de cerveau des enfants qui s'institue en enseignant le relativisme religieux en disant, dans le fond, tout est correct, il s'agit de voir les choses, mais eux autres voient les choses différemment, puis regardons, tout le monde, on est tout égal, alors que c'est pas vrai que tout est égal. Dans ce cours-là, au secondaire, je regarde ça de très près, dans ce cours-là, au secondaire, il y a un exercice qui consiste à demander aux étudiants d'inventer leur propre religion. Absolument, on a joué des extraits de ça, c'est épouvantable. Des choses absolument bizarres. Ah, c'est farfelu, ils font des vidéos avec ça, hein, monsieur Brassard, ils font des vidéos avec ça. Oui. Ils font leur religion. Il y en a sur YouTube, c'est fou, absolument à se tordre, mais quand vous pensez que ça se passe dans nos écoles, vous dites, là, on est loin des objectifs de neutralité. Mais on est-tu d'accord pour dire que le gouvernement est incohérent? Oui. Tout à fait. Parfait. Incohérent sur la politique. Ce qu'il est en train de faire, pour moi, c'est un geste sans doute nécessaire à bien des égards, mais largement symbolique. Il faut aller plus loin. Il faut que ça s'accompagne de plusieurs autres mesures si on veut vraiment que la société québécoise ne soit pas prise d'assaut par toutes sortes d'intégrisme et de fondamentalisme religieux. Mais en même temps, moi, je suis pas d'accord avec l'imposition mur à mur de l'interdiction des signes religieux. Je donne l'exemple d'un sikh. Lui, il met son turban, c'est pas pour écœurer le peuple, ça fait partie de sa religion. Il n'a pas le choix dans sa croyance à lui. Les hommes ne se coupent pas les cheveux. Il porte un turban pour cacher sa chevelure. Lui, c'est un bon fonctionnaire. Il travaille à la SAQ. Mettons, il est là depuis 8-10 ans. Il paye ses cotisations syndicales. Il sert bien les clients. Il dit pas un mot sur la game. Lui, là, on va lui dire, t'enlèves ça du jour au lendemain. Il peut pas l'enlever. Mais là, on va lui dire, tu prends porte. Ça, là, j'ai un bug là-dessus, M. Brassard. Un gros bug. Oui, je pense que ça... Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus que ça n'a pas d'allure? Je pense que ça doit faire l'objet d'un bon débat. Un débat serein à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, parce qu'effectivement, c'est un point important, là. Jusqu'où on va? Et encore une fois, je répète, ça concerne combien de personnes? Une minorité. Combien? Une infime minorité. Oui. On est dans le symbolique. Là. Surtout dans la région de Montréal. Mais qui va 100%. Augmenter quand même, qui va augmenter tout dans les années à venir. Tout à fait. Oui, ça, c'est sûr, si on continue d'accueillir encore 55 000 personnes par année, là, puis qu'il y en a qui viennent de plus en plus du monde musulman, ça risque d'empirer, c'est évident. Ouais, mais en même temps, je veux prendre mes distances, je mets pas tous les musulmans là-dedans, faut faire attention. Il y a des gens, M. Brassard, là-dedans, qui quittent le Maghreb. Morin, moi, je suis d'accord. Il y a des gens qui quittent le Maghreb parce qu'ils sont écœurés du Maghreb aussi. Moi, je parle toujours des intégristes. Ouais, faut le dire. Des islamistes. Faut le dire. Maintenant.